Chapitre 150. Faire répéter la shahada, la ilaha illallah, aux mourants. 917. D'après Mu'adh, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui dont les dernières paroles sont: il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, la ilaha illallah, entrera au paradis. Abu Dawud et Al-Hakim a dit que sa chaîne de narrateur est authentique. 918. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: faites répéter à vos mourants l'attestation de foi, la ilaha illallah. Muslim. 919.